nous allons passer à la dernière intervention pour aujourd'hui avec Makram Abbas qui n'est plus à présenter et qui va nous parler du voile du point de vue de la philosophie des normes. Merci beaucoup, cher Hassan. Merci beaucoup, organisateur, de m'avoir invité à ce très beau colloque. Donc, je vais continuer un petit peu sur la question du voile, mais sur un autre mode, puisque mon exposé, en fait, va essayer de croiser un thème abondamment travaillé depuis un siècle et demi, c'est-à-dire la question de la légalité du voile, qui a été soulevée tout à l'heure par Bruno. Donc, aborder l'islamité du voile, d'un côté, et puis d'un autre côté, la question de la pensée des normes, telle qu'on a pu l'aborder récemment dans le domaine des sciences humaines et sociales, notamment en philosophie. Alors, le besoin de croiser ces deux domaines émane d'un constat facile à faire de nos jours, à savoir la focalisation excessive sur les normes religieuses dans plusieurs pays musulmans. C'est un fait qui saute aux yeux, en fait, dont on ne peut pas faire l'économie, pour plusieurs domaines de la vie, pour plusieurs aspects, aussi bien de la conduite que de la croyance, eh bien, on est toujours et constamment sollicité par la référence à la loi. Donc, de ce point de vue-là, il y a une certaine demande de normativité, de connaissance en fait, de ce que dit la loi, afin de définir et de déterminer donc, les conduites conformes à l'orthodoxie ou bien à l'orthopraxie. Et donc, je vais essayer de croiser un petit peu ces deux aspects, afin de... réfléchir justement sur le problème du voile, mais d'un point de vue purement normatif. On voit bien en effet depuis quelques dizaines d'années que dès lors qu'un discours est formulé sur la politique, l'économie, la finance ou l'apparence vestimentaire, l'attribut islamique leur est accolé pour désigner non pas ce qui a été produit en islam depuis un peu plus de 14 siècles, mais ce qui devrait être conforme donc à un certain horizon dogmatique ou bien à une certaine conduite idéotypique. Et donc, à partir de là, on associe l'adjectif islamique, ou l'attribut islamique, donc, si vous voulez, à quelque chose qui devrait incarner parfaitement la loi de l'islam. Et cela traduit bien entendu une certaine demande très forte de normativité, notamment religieuse, qui anime actuellement les individus et les groupes. Mais il faut noter parallèlement, et paradoxalement aussi, que cette demande de normativité traduit une conception des normes qui est considérablement appauvrie. Et je vais revenir tout à l'heure dans mon exposé en fait, sur ce point, mais je fais tout de suite en fait, allusion au fait que cette conception en fait, des normes tourne principalement autour de la quête d'un centre orthodoxique qui est confondu avec le bien terrestre et le salut céleste. Donc ça, c'est du côté, si vous voulez, de la demande de normativité qui est exprimée aujourd'hui par plusieurs groupes, plusieurs individus dans les sociétés du monde musulman. Inversement, les intellectuels modernistes lisent dans cette prédominance de la normativité traditionnelle la cause du désastre historique dans lequel les sociétés ne cessent de s'engluer. Et donc, ils estiment que démystifier le poids des normes traditionnelles et dénoncer la permanence d'une origine religieuse qui en marque l'hétéronomie constitue le seul moyen d'inverser une tendance marquée par la démission de l'État et par la faillite de la culture juridique. Donc il y a un véritable clivage à propos de la pensée des normes en islam. Il y a d'un côté une critique frontale de ce fort désir de normativité exprimé par notamment du côté des, si vous voulez, des théologiens ou des penseurs religieux, désir de normativité qui est aussi corroboré par une forme de sacralisation de systèmes remontant au Moyen-Âge. Donc on cite toujours les corpus juridiques élaborés à partir du 8e siècle. Et d'un autre côté, d'autres auteurs estiment que la loi religieuse de l'islam constitue un système global, valide, pour tout temps, pour toute époque, puisqu'il intègre en fait le juridique, le social et le politique dans un ensemble dominé par la morale. À partir de là, il pourrait constituer une alternative en fait à une modernité qui commence à s'essouffler donc, et qui a montré dans le passé qu'elle ne pouvait pas offrir grand-chose à l'humanité puisqu'elle a produit les fascismes, les totalitarismes et les guerres mondiales. Donc voilà, si vous voulez, les deux visions en fait, de la normativité en islam dans lesquelles je vais essayer de situer mon approche et mon discours. Et pour aborder donc, ce sujet, en liaison avec la question du voile, je vais partir de certains travaux de philosophes récents, principalement Pierre Macheret, donc je vais m'inspirer de certains textes. Lui-même en fait, a travaillé sur Paul Guilhem, un philosophe et un médecin français, et ainsi que Foucault, donc il s'est inspiré de Paul Guilhem et de Foucault, afin de penser à nouveau frais la question des normes. L'idée est de distinguer, selon cette conception, entre une vision des normes en tant que règles imposées de l'extérieur et soumises à la logique de la contrainte et de la sanction. Ça, c'est la vision traditionnelle, si vous voulez, des normes, qu'on a souvent, donc qu'on garde souvent à l'esprit. Les normes viennent de l'extérieur, elles descendent du ciel ou bien elles descendent de l'État, donc quelle que soit la source, si vous voulez, de normativité, en fait, elles sont extérieures au sujet. Et l'intérêt de Guilhem, de Foucault ou de Macheret, un peu plus tard, c'est d'avoir montré justement que les normes, contrairement à cette pensée traditionnelle, les normes sont au contraire coproduites par les sujets auxquels elles s'imposent. C'est-à-dire que les sujets contribuent à la production de leurs propres normes. Donc ils s'adaptent à des normes qui peuvent venir en fait de l'extérieur, mais en fait ce sont des coproducteurs des normes finalement qu'ils adoptent eux-mêmes et auxquelles ils donnent donc une certaine validité. Donc il ne faut pas limiter l'analyse de la question des normes à une conception négative qui est fondée uniquement sur le droit. Nous allons voir justement aujourd'hui, dans le cadre de cet exposé, que l'un des problèmes majeurs de la pensée du voile émane de son inscription dans un registre unique, celui du droit. Du droit émanant de la lecture des textes sacrés, donc du droit musulman. En fait, ce droit a produit justement cette conception négative selon laquelle, eh bien, nous devons toujours, en envisageant les normes, être dans la logique de l'interdit ou bien du permis. C'est ainsi que fonctionne en fait le domaine du droit, et c'est quelque chose d'universel. Seulement, il y a aussi d'autres compartiments du bios, de la vie, de la conduite humaine, qui ne sont pas forcément soumis au juridique. Et donc, il faudrait aussi interroger d'autres domaines, comme le politique, comme l'éthique, comme le social, pour voir comment les individus, dans les situations concrètes, dans leur histoire concrète, eh bien, produisent eux-mêmes des normes, ou bien jonglent en quelque sorte avec les normes qui leur viennent du droit, des textes sacrés, de la théologie, ou bien d'instances censées être hétéronomes, donc supérieures et transcendantes. Donc le cas de voile, en quelque sorte, va me servir de laboratoire pour illustrer un petit peu cette démarche philosophique. Et je trouve qu'il est très intéressant, parce qu'il est simplement exemplaire en la matière. On peut appliquer la chose, et d'ailleurs c'est ce que je fais dans le cadre d'un travail qui sera, j'espère, bientôt publié, un petit livre qui s'intitule « La norme, l'islam et la norme », donc apparaître bientôt, et donc ce chapitre, en quelque sorte, vous donne un petit avant-goût, un petit aperçu de ce que je vais faire, mais la question concerne aussi d'autres domaines, comme la politique, comme l'économie, la finance, quand on parle de finance islamique. Qu'est-ce que l'islamité, en fait, de cette finance ? On parle bien sûr de la politique islamique, on parle de gouvernement islamique, de loi islamique. Et tout cela est associé donc à cette logique de l'interdit et du permis, donc logique verticale, enfin une vision verticale et transcendante des normes. Et on le voit aussi dans d'autres domaines comme les images. Benoît en a parlé tout à l'heure, la question des images. Pourquoi serait-elle interdite ? D'où viendrait justement l'interdit des images ? La consommation de vin, la musique, certains théologiens aussi ont établi des traités pour établir la musique, d'autres ont établi des traités ou des épîtres pour établir par exemple le jeu d'échecs. Donc voilà, il y a plusieurs domaines de la vie dans le voile qui sont disons concernés par la réflexion globale sur les normes. Et donc, plutôt que de réduire cette réflexion en fait à la question du droit, bien sûr je vais en parler, mais je vais essayer donc parallèlement de vous montrer que, bien, actuellement, nous sommes dans une vision qui accorde en fait aux normes religieuses un poids immense, au point de les sacraliser, de les fétichiser, de les hypostasier. En fait, on a l'impression que ces lois, ou ces règles, ces normes, si vous voulez, donc, sont intemporelles, on va le voir tout à l'heure, et c'est là le problème, justement, puisqu'on ne peut pas admettre cette vision-là des normes. Alors, pour rentrer donc dans le vif du sujet, je vais partir d'un travail qui a été fait il y a une vingtaine d'années par un anthropologue et un spécialiste du droit musulman, qui est Mohamed Hussein bin Khayr. Donc ce travail a été publié en 1997 sous le titre de l'amour de la loi, et c'est sur la normativité en islam. Donc vous voyez très bien que le sujet porte sur la normativité, et le sujet principal n'est autre que le voile. Donc la problématique du livre, justement, part d'une interrogation qui est au cœur de l'actualité, qui continue d'ailleurs de nos jours, à savoir pourquoi toutes ces femmes voilées et tous ces hommes barbus. Donc c'est une question justement qui a été posée ce matin et en début d'après-midi. La réponse de Bakhira intervient, page 9 de son texte, il nous dit « Ces hommes ne se soucient que de conformer leur apparence extérieure avec les normes divines, il ne s'agit pour eux que de respect de ces mêmes normes. Leur mot d'ordre est du reste appliquant la charia. » Et donc, Bakhira va déconstruire justement la présence en fait de cette norme religieuse, de ce besoin de légalisme qui s'exprime en fait à travers la question du voile ou bien à travers d'autres questions. Et il va aussi déconstruire les enjeux identitaires purement contemporains liés à l'investissement de cette thématique. Et il va nous montrer, donc ça c'est un point, l'un des points que je retiens en fait dans cet ouvrage, il va nous montrer que la question du voile, en fait, historiquement, dans le cadre de la civilisation classique de l'islam, s'est imposée ou a été imposée par les juristes et les théologiens, principalement pendant les moments de crise. Alors plus précisément, vers le XIIIe siècle, moment où il y avait les invasions mongoles, les croisades, la chute du califat abbasside, donc une véritable déstabilisation du monde pour l'islam de l'époque. Et donc, en contrepoint, s'il y a aujourd'hui une focalisation sur le hijab, sur le voile, c'est parce que, justement, nous sommes dans un contexte de crise et le voile, en fait, n'est autre qu'une manière de, réagir à ce contexte de crise. Et donc, son port, le port du voile, d'après Benreira, est un mode de résistance qui atteste, je le cite, d'un durcissement et d'une crispation de la Ummah. Alors cette analyse, en fait, je la partage parce qu'elle effectivement, elle est fondée sur des considérations à la fois anthropologiques et sociologiques. Mais Benfera, en fait, et c'est là le point que je vais essayer de développer, mais pas à partir de son travail, mais pas à partir de ce que j'essaie de faire, justement, dans mon domaine de recherche. Donc il a essayé d'aborder les choses uniquement du point de vue du droit. Pour lui, justement, les normes sont principalement juridiques. Donc, vous avez cette belle citation, je me limite à cette citation, dans laquelle il dit « En portant le voile ou la barbe, le sujet enlace le corps imaginaire de la loi. » Donc il y a effectivement ce désir de loi, ce désir de normativité qui est là, et bien sûr qui émane de la religion. Et c'est à partir du domaine de la religion, bien du domaine juridique, qu'il va construire sa réflexion autour de la normativité. Alors je ne remets pas en cause justement cette manière de voir les choses, mais j'estime, comme je l'avais dit dans l'introduction, qu'elle est insuffisante, c'est-à-dire qu'il faudrait la compléter par une autre vision, plus dynamique et moins statique en fait des normes, puisque les normes n'émanent pas uniquement du droit ou de la religion. Seulement, les faits et les réalités actuelles lui donnent parfaitement raison, puisque, je l'avais rappelé dans l'introduction, il s'agit d'un constat qui saute aux yeux, donc c'est quelque chose de visible justement, et cette visibilité nous invite à interroger la situation actuelle dans laquelle nous observons une sorte d'insistance quasiment maladive sur la nécessité de porter le voile, ou bien la nécessité d'afficher en fait un comportement qui serait conforme à ce que dit la lettre du texte. Et donc je vais essayer de partir de quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé sur Internet en faisant un peu de recherche. C'est dans un magazine, en fait, qui s'appelle Muslimette, musulmane, donc Muslimette magazine, dans lequel, justement, il y a la description idéale pour moi, c'est-à-dire qui me permet, en fait, de déconstruire cette description, enfin, cette représentation de la question du voile. Donc, la description idéale, pourquoi ? Parce que, eh bien, elle insiste sur les conditions permettant d'avoir un voile conforme à la norme. C'est-à-dire que, indépendamment de ce que présente l'auteur de cette image et du texte que je vais faire défiler tout à l'heure. Bien sûr, il y a plusieurs manières de porter le voile, je ne vais pas rentrer dans ces considérations, donc vous êtes parfaitement au courant, en fait, de ces choses-là. Mais ce qui m'intéresse, en fait, du point de vue de cet auteur et de sa manière de voir les choses en tant que musulman, c'est justement la volonté de décrire des conditions et surtout, donc là c'est un autre ouvrage aussi qui va dans le même sens, donc décrire les conditions et définir les normes. Vous voyez très bien le titre, bon, excusez-moi, c'est un peu petit, mais je voulais que ça tienne sur une page, parce que vous avez la première condition qui est très longue, mais je ne veux pas la lire. Donc, l'auteur va nous dire les 8 conditions du hijab, entre parenthèses, la norme du voile islamique, et le plus important, donc il y a déjà la pensée de la norme, et le plus important, c'est ce qui vient après, que ce soit en 2011 ou en 9999. Donc, déjà, ça incarne une certaine vision de la norme islamique, parce qu'effectivement, il y a des sujets, des individus qui définissent, en l'occurrence, une norme dite islamique. Voilà. Et cette norme est censée être intemporelle, divine. Donc, un peu comme la prière, on sait très bien que la prière, en fait, c'est un peu le jeûne. Donc, c'est un consensus parmi les musulmans, ça fait partie des choses que les musulmans ont pratiquées depuis la naissance de l'islam. Donc, on ne peut pas discuter du fait qu'est-ce qu'il s'agit d'un dogme ou pas. On sait très bien qu'il s'agit d'un dogme qui a été pratiqué aussi bien au premier qu'au second, qu'au troisième, etc., jusqu'à nos jours. Donc, on pratique continuellement ces cultes et on s'acquitte, en fait, de ces choses-là. Là, le voile, en fait, est intégré dans la même conception. Et c'est ce qui m'intéresse justement du point de vue de l'analyse et de la déconstruction de cette logique, de cette pensée particulière des normes. Alors, rapidement, selon l'auteur, la première condition, c'est que le hijab, donc le voile, doit couvrir tout le corps, comme cela est clairement prouvé dans le Coran et la Sunna. Donc il va essayer de montrer des versets, des hadiths, donc des dits attribués au prophète, afin de montrer en fait que, bien, il y a des arguments textuels, des arguments d'autorité, qui vont dans le sens de ce qu'il montre. Deuxième condition, donc je lis juste la première phrase, le hijab ne doit pas être transparent ou trop mince, de manière à ce que la couleur de la peau ou que les membres du corps soient visibles. Deuxième, disons, aspect normatif du voile en islam d'après l'auteur. Troisième condition, elle est très intéressante, il nous dit, donc le hijab doit être ample et non serré ou collé sur le corps, car si la femme porte un vêtement qui n'est pas transparent ou léger, mais qui est moulant et collant à la peau, de façon à ce que ses seins, ses hanches, ses fesses et les autres parties du corps soient décrits et exposés, le but du hijab, qui est de couvrir le corps et de protéger de la tentation, n'est pas respecté. Donc là, vous voyez la description précise des parties du corps de la femme. Bon, on est bien sûr dans le domaine de la théologie, mais on frise un peu le blason érotique. Mais le but, bien sûr, c'est d'aller jusqu'au bout de la codification du vêtement. La codification. Alors, ce qui est intéressant à la fin du paragraphe, c'est que dans la troisième condition, donc l'auteur en profite pour interdire aussi les tatouages. Nous dire, en réalité, il n'y a pas grande différence entre se peindre le corps et porter des vêtements moulants. Vous voyez ? Donc, les tatouages aussi sont intégrés dans cette manière de voir le vêtement que devrait porter la femme. Alors, quatrième condition, le hijab, en fait, ne doit pas être décoré de couleurs qui attirent trop le regard. Sixième condition, c'est ça, pardon. Voilà, sixième condition, le hijab ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes. Donc, distinction totale entre les hommes et les femmes en matière de port vestimentaire. Septième condition, c'est tout petit, mais je vais vous le lire. Le hijab, en fait, ne doit pas ressembler aux vêtements des mécréants et des mécréantes. Donc, séparation avec les autres communautés religieuses ou confessions. Huitième et dernière condition, le hijab ne doit pas être un vêtement de fierté ou de popularité, c'est-à-dire il ne doit pas, être porté selon la mode du jour. C'est quelque chose qui doit être, donc c'est un vêtement standard à travers lequel le sujet, l'individu devrait s'effacer totalement. C'est-à-dire une fois qu'on a porté le voile, eh bien, l'individu, le moi, le je n'existe plus. Il faut que eh bien, ce qui transparaisse, ce soit uniquement le vêtement. Donc indépendamment, si vous voulez, de toutes les critiques qu'on pourrait faire de cette représentation, ce qui m'intéresse dans ce que je viens d'énumérer, c'est vraiment la volonté de standardiser et de théologiser en fait une norme. Le voile est quelque chose de standard, donc il appartient à tous les musulmans, il doit être imposé à toutes les musulmanes. Et d'un autre côté, en fait, il y a une forme de théologisation dans le sens où bien à chaque fois il y a un verset ou bien un hadith qui est cité. Et donc à partir de là, la loi se présente, la loi islamique ou la norme islamique, se présente comme une règle abstraite échappant à toute rationalisation de la part du sujet qui doit l'appliquer, puisqu'en fait il doit l'appliquer mécaniquement. Il doit tout simplement obéir à un ordre qui vient de l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que on pense, d'après ce schéma-là, on pense en fait qu'une fois formulée la règle, eh bien, on passe, une fois qu'elle est formulée de manière théorique ou bien de manière abstraite, il faudrait passer ensuite à son exécution. Et donc, il faudrait qu'elle s'incarne dans le réel, qu'elle prenne corps dans le réel. Et là, nous avons effectivement une pensée mécanique des normes qui traduit justement cette idée à laquelle s'est attaqué Ibn Khayla dans son travail, à savoir la crispation des identités donc au sein de l'islam contemporain. Alors cette vision des normes, pour le dire rapidement, a été paradoxalement décrite par Emmanuel Kant, l'une des grandes figures de la pensée des Lumières au XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant dans son texte, qui s'intitule « Qu'est-ce que les Lumières ?», c'est de distinguer justement entre l'homme, entre deux types d'hommes. L'homme qui exécute mécaniquement des ordres qui lui viennent de l'extérieur. D'ailleurs, il utilise à cet effet le modèle du soldat, c'est-à-dire le soldat dans une armée qui exécute l'ordre du général, donc qui émane de manière verticale d'en haut. Donc ça, c'est la vision, disons, du sujet qui n'est pas autonome, qui est encore pensé comme un mineur, donc il est cantonné dans sa minorité. Et d'un autre côté, vous avez l'homme, justement, auquel aspiraient les auteurs de Lumière, à savoir l'homme capable d'être autonome, capable de se libérer de tout tuteur, justement. Donc c'est l'homme nouveau auquel pensaient Kant, Rousseau, Voltaire et d'autres auteurs. Donc le discours, si vous voulez, quand on compare un peu cette vision qu'on a dans le texte de Kant, enfin, cette opposition entre l'homme autonome et l'homme qui est soumis à une tutelle, eh bien, on va constater en fait que le discours que je viens de présenter à propos des conditions, des huit conditions de l'hijab, ce discours en fait cache la question de la minorité de l'homme qui part en quelque sorte de la minorisation de la femme. Ça, à mon avis, c'est un point qu'il faudrait déjà noter. Donc, nous nous trouvons en fait face à des, d'après cette logique-là, nous nous trouvons face à des normes de conduite qui sont pensées comme étant extérieures au sujet. Donc, ce ne sont pas les sujets qui les produisent. C'est-à-dire, en tant que sujet, je ne produis pas mes propres normes, je n'ai pas le droit, je n'ai pas la possibilité de penser ma conduite quotidienne, ma conduite sociale, ma conduite politique. Ça d'un côté. Et d'un autre côté, cette manière de penser les normes exclut toute ontologie du présent, dans la mesure où, eh bien, on estime qu'elles sont intemporelles. Vous l'avez bien vu, ce sont des normes imposées de l'extérieur, qu'il s'agisse en fait du 7e siècle ou bien de 1999. Alors, voilà rapidement, si vous voulez, la vision des normes que je vais essayer de déconstruire en fait dans un troisième temps. Mais juste avant, je voudrais rappeler le contexte. Bien sûr, nous sommes là dans des visions idéologiques qu'on peut trouver du côté de l'islamisme ou bien du salafisme, je parle d'une manière générale, mais on pourra revenir dans la discussion en fait, des précisions par rapport à ces courants, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de relever en fait, des faits et de constater des choses avérées. Et donc, je disais que, bien sûr, tout cela est produit par des théologiens, par des savants religieux, depuis, disons, depuis les années 40-50, peut-être un petit peu avant, dans le cadre du salafisme. Mais il faut aussi rappeler un contexte savant, un contexte académique aussi, qui a accompagné en quelque sorte l'éclosion de ce type de discours. Et c'est ce que je vais essayer d'aborder, donc à partir de ce qu'on a appelé le féminisme islamique, mais là aussi, je précise en fait que je ne fais pas donc de... Je ne vais pas préciser en fait le contenu de cette notion, mais j'attire l'attention sur le fait que le féminisme islamique est bien entendu pluriel, on l'a encore répété ce matin, et que je suis loin de le réduire en fait à une essence ou bien donc à une idée particulière. L'idée étant de vous montrer tout simplement que dans les années 80-90, eh bien, il y a eu un contexte dans lequel on a vu émerger ce qu'on appelle les études postcoloniales. Et les études postcoloniales, en fait, ont ouvert la voie, en quelque sorte, ou bien ont facilité la propagation des pensées identitaires, y compris celles qui sont liées à la religion. Donc, ça a facilité, si vous voulez, la propagation de ce type de normes. Donc, je n'établis pas de lien direct, je le répète encore une fois, entre les élaborations théoriques des auteurs qui sont assez représentatifs donc, de ces courants dits postcoloniaux, mais tout simplement, j'essaie de montrer, et je vais vous donner quelques exemples, je vais essayer de vous montrer que, effectivement, les études postcoloniales donc, ont joué un rôle dans la normalisation de la question du voile, mais bien sûr pour d'autres raisons. Et là, il y avait pas mal de nuances qu'il faudrait bien sûr apporter. Donc, j'utilise beaucoup de périphrases pour nuancer mon propos, mais en tout cas, je vous en ai conscient, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Je ne dis pas que ces auteurs sont les théoriciens du salafisme ou bien qu'ils sont soutenus les idéologies salafistes ou islamiques, pas du tout. C'est tout simplement l'idée que depuis les années 90, eh bien, ces études ont prospéré aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, bien sûr, ou en Inde, dans des pays musulmans comme l'Inde, l'Iran, la Turquie, la France, la Malaisie, etc. Et donc, y a pas mal de travaux d'éminentes chercheuses et d'éminents chercheurs sur les questions. Je cite Laïla Ahmed, par exemple, Marc Bombadrag, Sama Mahmoud, donc des anthropologues, des spécialistes du féminisme et des gender studies. Vous avez une belle synthèse dans ce livre de Zahra Ali, qu'on avait invité d'ailleurs à ce colloque, mais qui malheureusement a été empêché d'être parmi nous. Et donc ici, vous avez pas mal d'articles réunis par d'éminents chercheurs sur la question du féminisme islamique, mais totalement inséré, d'ailleurs Zahra Ali l'explique très très bien dans l'introduction, totalement inséré dans ce cadre conceptuel apporté par les études postcoloniales. Donc, voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu, disons, quels sont les déterminants théoriques de ces courants. Je parle toujours au pluriel. Et si jamais je parle au singulier, c'est parce que simplement ça m'oublie, mais c'est quelque chose de pluriel. Donc, disons que si on essaie de synthétiser sous forme syllogistique le fond de la pensée des études postcoloniales, eh bien on va lier donc à la question du féminisme. On peut avoir ces trois propositions. La première, c'est que le discours féministe sont des savoirs colonisés, un produit de l'imitation servile de l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident, depuis la colonisation, a essayé de donner une image parfaite de la femme qui serait en fait en réalité la femme occidentale. Donc la femme occidentale s'est transformée en modèle normatif pour les autres femmes du monde. Donc c'est à ce titre-là qu'il faudrait contester cette normativité hégémonique imposée par les Occidentaux, ce qui est tout à fait légitime. D'ailleurs, je vais y revenir dans un instant. Donc ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est que une sorte de mineur, c'est que les discours occidentaux de la modernité, de la postmodernité ont échoué, comme le disent d'ailleurs les occidentaux eux-mêmes, parce que plusieurs philosophes ont fait un peu une critique acerbe de la modernité, la mort du sujet, la mort de l'homme, Foucault, Nietzsche, Freud, etc. Donc, si vous voulez, on peut partir de plusieurs auteurs pour dire finalement que la civilisation occidentale a échoué pour réfléchir convenablement sur l'homme et sur l'humain. Et à partir de là, donc ça ouvre une perspective en fait aux autres cultures pour apporter leur manière de penser ces choses-là, les problèmes de l'humanité. Et donc, la conclusion, c'est que d'après ces travaux, c'est qu'il faudrait se rabattre sur le particulier. D'où il est l'intérêt accordé aux cultures particulières, aux identités qui ont le droit de ne pas se fondre totalement dans une modernité homogénéisante, donc ferrée de normativité, mais à partir d'un cadre conceptuel précis, celui des Occidentaux. Voilà. Donc ça, c'est un peu la démarche des auteurs postcoloniaux, et c'est quelque chose de très intéressant parce que ça a pu faire avancer justement la recherche d'abord, les sciences humaines et sociales, et pas mal de travaux donc, qu'on doit à ces auteurs, eh bien, ont pu véritablement apporter des réponses décisives dans plusieurs domaines des sciences humaines et sociales. Donc je ne suis pas en train de nier la validité et la pertinence de ces approches, loin de là, mais tout simplement j'essaie de montrer que d'après eux, il est question, à travers, donc, en étudiant le féminisme islamique, de montrer que l'islam n'est pas incompatible en tant que religion, n'est pas incompatible avec le féminisme. Donc la religion, ça pourrait être présenté a priori comme oxymorique, puisque les luttes féministes, traditionnellement en Occident, ont été menées contre les religions. Féminisme islamique signifie qu'on pourrait lutter pour les droits et les libertés des femmes à partir d'une religion particulière, à savoir l'islam. C'est un peu ça la logique qui préside au postulat des études postcoloniales. Le deuxième aspect, c'est que le texte fondateur, le texte coranique, exige lui-même de se lancer dans une telle quête. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la spiritualité qui se dégage du texte et le devoir de rechercher une fondation sûre et valable pour les droits, pour les libertés, etc., etc. Donc il y a une sorte de connexion entre le fond théologique porté par le texte coranique, considéré comme un texte libérateur pour la femme, et tout ce qu'on pourrait fonder en termes de droits et de libertés, donc tous les acquis, si vous voulez, sociaux, juridiques, politiques, etc., bien, devraient en quelque sorte trouver leur ancrage dans le texte sacré. Là, nous avons une vision un peu semblable à ce que nous trouvons chez les spécialistes du rapport entre l'islam et la science. On va dire, l'islam est favorable à la science, on va citer en fait les différents versets, exemples, etc., et on va créer une culture théologique ou spirituelle qui serait en quelque sorte le moteur, le mobile fondamental des auteurs pour faire de la science, pour découvrir les théories, ou bien pour s'intéresser à l'astronomie, à la physique, aux mathématiques, etc., etc. Voilà, ça c'est cette démarche-là, donc l'établissement des sortes de connexions solides entre le théologique et le reste, en fait, les autres domaines de la vie, politique, le juridique, le social, etc. Ça, c'est un peu à la base des études postcoloniales. Enfin, l'idée est de montrer que les attitudes misogynes et patriarcales ne proviennent pas à la base de ce texte, du texte coranique, mais des lectures qui en sont faites par les théologiens et les juristes. Donc, la littérature des oulémas, la littérature des savants religieux, est en quelque sorte la cible de la critique des féministes islamiques. Alors, donc là, je reconnais effectivement beaucoup de pertinence en fait dans cette démarche de ces différents auteurs. Et disons, je vais retenir trois points fondamentaux. D'abord, cette approche de la question de la femme ou des femmes dans la plupart des travaux que j'ai mentionnés, Margot Badran, Saba Mahmoud, etc., Zahra Ali, eh bien cette approche permet de dénoncer sociologiquement, de dénoncer la stigmatisation de la femme musulmane dans certains contextes. On l'a vu par exemple dans le contexte français, le port du voile a fait l'objet de la part des jeunes filles ou bien de femmes musulmanes, fait l'objet d'une stigmatisation de la part de l'État ou bien de la part de groupes ou bien d'activistes, de militants fortement engagés dans une idéologie laïque. Et donc, effectivement, elles ont été exposées à des formes de vulnérabilité, elles ont été fragilisées dans leurs conditions, dans leur situation, tout simplement parce qu'effectivement, on n'a pas tenu compte de leur choix, etc., ou bien de cette particularité religieuse, ou bien de la conviction intime du choix spirituel de ces femmes. Et donc, l'intérêt de cette approche émanant des études postcoloniales, c'est de dénoncer cette forme de stigmatisation. Donc sociologiquement, j'avoue personnellement que c'est extrêmement pertinent donc, de recourir justement à ces travaux. Le deuxième point pertinent, c'est de montrer, notamment à travers l'idée de agency, d'empowerment, que la femme, effectivement, a la capacité d'agir pour elle-même, et non pas au nom d'une norme extérieure. En fait, si elle porte le voile, c'est parce que c'est son choix, c'est son choix, donc elle est totalement libre dans son choix, et cela traduit en quelque sorte une capacité d'agir. Cela peut-être est le moyen qu'elle a dans sa condition particulière, dans sa situation sociale, dans sa condition historique, donc de peut-être d'avoir plus de marge de manœuvre, plus de moyens d'action pour se battre pour ses libertés et ses droits. Enfin, le troisième point important dans ces travaux relevant des études postcoloniales, c'est qu'effectivement nous avons une critique de l'hégémonie occidentale en matière de définition de la normativité, puisque finalement quand on en aborde la question de l'universel et du particulier, eh bien on peut toujours faire cette objection qui consiste à dire que si la culture occidentale prédomine à l'heure actuelle en tant que culture universelle, eh bien tendant à s'universaliser un peu partout, eh bien c'est tout simplement parce que c'est un particulier, une culture particulière, qui a eu la chance historique de devenir universelle à l'heure actuelle. Et donc, rien n'empêche des cultures particulières asiatiques, américaines du Sud, arabes ou arabo-musulmanes ou musulmanes, etc., rien n'empêche de ces cultures particulières, à leur tour, dès que les conditions sont favorables, de devenir la norme. Donc, dans ce cas-là, le voile pourrait, selon ce raisonnement-là, le voile pourrait devenir un jour une norme pour toutes les femmes du monde. Vous voyez ? C'est-à-dire, personne ne s'étonnerait du fait que les femmes, partout dans le monde, mettraient le voile. Donc, vous voyez un peu, ce raisonnement, c'est un raisonnement qui est un peu compliqué, mais l'idée, c'est, si vous voulez, c'est de vous montrer que l'intérêt des études postcoloniales, c'est d'avoir montré que la question de l'universalité des normes occidentales, en fait, c'est une question relative. Bon, relative. Donc, on essaie de relativiser un petit peu toutes ces questions. Mais le problème, c'est que, justement, il y a le relativisme, en fait, a des avantages, mais aussi, il a beaucoup d'inconvénients. C'est que cette assomption du particulier liée au statut de la femme musulmane, bien, a conduit parallèlement, comme on le voit, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de, si vous voulez, du salafiste qui énumère les conditions du hijab, bien, a conduit à faire de l'islam une culture extrêmement particulière quand on est dans sa particularité, dès lors qu'il s'agit d'aborder des dossiers comme la politique, la loi, le gouvernement ou le voile. Et donc, on s'est trouvé en fait privé, dans le cadre de l'islam, d'une réflexion sur l'universel. C'est-à-dire, on est tombé dans l'autre travers. Et on a pensé aussi que, finalement, la charia, donc l'abstraction qui devrait incarner l'idée de loi en islam, la charia, en fait, devrait, en quelque sorte, jouir d'une certaine particularité par rapport aux autres normes produites, notamment par l'Occident. À tel point que parfois on entend certains auteurs qui vont nier l'existence, par exemple, d'un droit naturel, d'une éthique universelle, universellement partagée entre les musulmans et les non-musulmans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va essayer de se rabattre sur le particulier, vous voyez, en disant que notre culture, elle est différente. Notre charia, notre loi est différente. Notre manière de s'habiller est différente, notre économie ou nos conceptions de l'économie, bien des finances, sont différentes, le gouvernement c'est la même chose, etc. etc. Et donc là c'est un problème, et c'est un problème surtout parce que dans le cadre des études postcoloniales, eh bien, on n'a pas cherché à penser la déconstruction de ces discours normatifs qui émanent du salafisme ou bien de l'idéologie islamiste, ou tout simplement de savants conservateurs, un peu comme Mohamed Razali et Sheikh Razali, qui a beaucoup écrit sur la question du voile. Donc c'est un savant égyptien qui était installé en Algérie, qui a écrit une trentaine de livres. Et là, c'est un petit exemple, mais il y a beaucoup d'auteurs, notamment égyptiens, dont parle Nasser Hamed Abou Zayd, un intellectuel moderniste égyptien, qui a été accusé d'apostasie en Égypte dans les années 90, et qui a fait un livre qui s'appelle « Les cercles de la peur » d'Awa al-Khawf, dans lequel effectivement déconstruit un peu ses discours, et il a montré de quelle manière ce discours était hégémonique dans la littérature conservatrice ou bien islamiste. Donc, je pense que si les études postcoloniales ont pu promouvoir une forme de féminisme islamique qui pourrait convenir en fait sociologiquement à un contexte particulier, celui des jeunes filles musulmanes dans le contexte européen ou bien dans le contexte américain, etc., etc., eh bien, il n'en reste pas moins que ce discours devrait être dépassé à la faveur donc de certaines critiques que je vais essayer de formuler dans la dernière partie de mon exposé. Je vois que j'ai utilisé 30 minutes. Non, 29 minutes. Non, plus que ça. J'ai 30 minutes sur l'ordi. C'est ton ordi. 40 mais moi, j'ai 40. T'as 5 minutes. J'ai essayé de tricher parce que j'ai pas mis l'introduction dans le... Bon, vous avez... Ils sont vigilants, hein. Ils sont très vigilants, plus très que moi. Vigilants. Donc, bien, alors il me reste 5 minutes, c'est ça? C'est ça. Vous voulez que je me taise? Bon. Alors, je vais essayer justement d'apporter quelques éléments de réponse autour des objections qu'on pourrait apporter à la question de la légalité religieuse du voile. C'est-à-dire que le voile soit une norme sociale, cela ne me pose aucun problème en tant que chercheur. Je me situe bien sûr uniquement dans le domaine de la recherche, dans le mien, la pensée politique, la pensée morale. Donc, bien sûr, les considérations personnelles ne m'intéressent absolument pas. Mais tout simplement, j'essaie de déconstruire cette manière particulière de considérer les normes que j'avais décrites au début de mon exposé. Et donc là, je vais essayer de vous montrer, mais ça a été abordé tout à l'heure, que dans le texte coranique déjà, si on prend en fait le texte coranique comme le texte sacré de l'islam, et qu'on élimine en fait les autres sources, principalement les dits attribués au prophète, parce qu'ils posent d'autres types de problèmes, aussi bien sur le plan épistémologique que sur le plan du contenu. Donc si on s'en tient au texte coranique, nous allons voir que, en fait, le passage qui a été très bien analysé tout à l'heure par Cyril, le passage n'est pas très très clair. Bon, d'abord, on ne sait pas très bien ce que veut dire le khimar. Est-ce que c'est un voile? Est-ce que c'est une écharpe? Est-ce que c'est un drap? Quelle est sa forme particulière? Comment les Arabes de l'époque, au moment où le texte coranique s'adresse à eux, eh bien, si vous voulez, penser cette question, cette étoffe, enfin, quelle est sa nature? Tout cela, en fait, on ne peut pas le deviner, il n'y a que des spéculations. Aujourd'hui, bien sûr, pour construire des raccourcis, on va dire que c'est le voile. Et on va penser que c'est le voile qui a été montré tout à l'heure. Eh bien, le voile qui laisse apparaître le visage. Bon. Donc, les individus eux-mêmes construisent une norme, et après, ils l'attribuent a posteriori, en fait, au texte coranique. Bon. Je ferme cette parenthèse. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer, et cela a été aussi montré dans un travail fait par Cyril sur son site, de montrer, en fait, et par d'autres aussi, par d'autres auteurs, de montrer que, finalement, le plus important dans ce verset, c'est de cacher les fentes, justement, donc la racine de la poitrine, donc de cacher la poitrine. C'est un peu l'ordre qui est énoncé, en fait, dans ce texte, dans ce passage de la sourate La Lumière, et non pas le voile en tant que tel, ou bien quelque chose qui couvre les cheveux, puisque les cheveux, en fait, ne sont pas mentionnés. Donc on ne sait pas la nature de cette étoffe qui couvrait, en fait, la poitrine, puisqu'il s'agit d'une écharpe qui descend à partir des épaules, ou bien d'un drap qui vient des genoux, qui est soulevé jusque-là, on ne sait pas trop. Donc l'idée, c'est d'abord, si vous voulez, l'axe de la réflexion, c'est la poitrine, cacher la poitrine, et non pas cacher les cheveux, bien voiler la tête. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, deuxième réflexion, que je vais essayer de conduire à partir d'une lecture très intéressante, parce que c'est l'une des... Elle s'inscrit un peu dans la pensée religieuse, mais en même temps, elle est moderniste, donc c'est l'une des dernières réflexions portant sur le texte coranique. Elle est menée par Shahroul, un intellectuel syrien, contemporain, donc toujours vivant, et qui a écrit un livre sur, disons, le droit des femmes en islam. Et il y a un chapitre sur le voile et les vêtements d'une manière générale. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, il nous dit que ces prescriptions qu'on trouve, par exemple, dans ce verset précisément, ou bien dans d'autres versets, s'adresse, donc l'énonciation, eh bien, concerne le prophète. Donc, ici, un nabi. Or, il y a une distinction fondamentale, en fait, qu'il établit dans ses écrits entre le nabi et le rasoul. Mohammed, en fait, le prophète de l'islam, avait un statut de prophète et un statut de messager, ou bien d'envoyé. Donc, il y a un double statut. À partir de la séparation, de la distinction entre les deux statuts, parce qu'il ne faut pas les mêler, et le problème des musulmans d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on mêle les deux statuts. Le messager est celui qui transmet effectivement des lois immuables, des commandements immuables, par exemple ceux qui se trouvent, les commandements, l'équivalent des 10 commandements dans la Torah, ne pas tuer, honorer ses parents, ne pas se marier avec la femme de son père, avec ses filles, etc. Donc, tout cela, si vous voulez, concerne effectivement ces interdits immuables, ces prescriptions divines. Ça, c'est le rôle du Rasoul, du messager, de les transmettre fidèlement. Il n'a pas à intervenir individuellement, à réfléchir en fait sur ces questions. Alors que, dès lors que l'énonciation concerne le prophète, l'homme du 7e siècle, qui a légiféré pour son peuple, pour les Arabes de l'époque, eh bien, dans ce cas-là, il faudrait que ce qu'il s'agisse de morale, de convenance sociale, de politique ou de guerre, il faudrait se rabattre justement sur le statut particulier du prophète en tant que législateur pour son peuple. On pourrait s'en inspirer, puisqu'il s'agit de morale, de politique, parce qu'il y a toujours des normes universelles et valables dans le domaine de la morale, dans le domaine de la politique. On convoque toujours Platon, Aristote, les grands philosophes antiques pour réfléchir sur des sujets actuels. Là n'est pas le problème. Donc on pourrait aussi convoquer le texte coranique pour aborder des sujets d'actualité. Seulement, il ne s'agit pas de caractère obligatoire. Il n'y a pas d'obligation légale, si vous voulez, en ce qui concerne ces énoncés relatifs à la morale, par exemple, ou bien au voile, dans ce cas précis. Et donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, et je vais bientôt terminer. Le deuxième point, en fait, concerne, bien sûr, le voile en tant que réalité historique. Et là, nous avons beaucoup de travaux, notamment de Qassem Amin et de Mansour Fahmi, sur la question. Je rappelle juste que les juristes de l'islam classique ont établi, en fait, une différence entre... C'est ce que Mansour Fahmi, en fait, a très bien montré dans sa thèse. Ils ont établi une différence entre la femme libre et la femme esclave. Al-Ama et Al-Hurra. Alors, quel est l'habit légal de... la femme esclave, qu'est-ce qu'elle doit cacher, en fait, dans son corps? Elle doit cacher les parties allant des genoux jusqu'au nombril. C'est exactement le même statut qui est conféré à l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'une femme croyante, une musulmane croyante, d'après les juristes, bien entendu, une femme croyante qui a un statut servile, eh bien, a le droit d'aller prier dans la mosquée les seins nus. Vous voyez? Puisque c'est légal, et ça s'est peut-être produit, on ne sait pas. Peut-être qu'en faisant un peu de recherche, eh bien, on va découvrir que eh bien, ça s'est pratiqué. En tout cas, on sait très bien que dans les notices historiques ou de belles lettres, on sait très bien que les femmes, par exemple dans le souk des esclaves, eh bien, étaient exposées effectivement totalement nues, donc, et que à l'extérieur, eh bien, elles n'avaient pas le même vêtement que les femmes libres. La femme libre, elle... Eh bien, effectivement, elle est concernée par le voile ou la réclusion. Alors, on est même allé jusqu'à étendre le statut des femmes des prophètes, c'est-à-dire les femmes des prophètes, le Coran leur demande de rester dans leur maison, de ne pas sortir donc, du vivant du prophète. Et on est allé donc jusqu'à étendre cet ordre qui s'adresse aux femmes du prophète, l'étendre donc à l'ensemble des femmes musulmanes. Vous voyez, donc on a fait une sorte d'extension du texte coranique pour qu'il colle à une nouvelle norme, celle de la réclusion des femmes. Bon. Alors, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que, déjà, le texte coranique, en tant que tel, ne distingue pas entre, dans le verset que j'ai mentionné tout à l'heure, il s'adresse aux croyantes. Les croyantes devraient rabattre le khimar, en fait, sur la poitrine. Le problème, c'est, justement, pourquoi les juristes, les premiers juristes de l'islam, eh bien, ont-ils établi cette distinction entre les femmes libres et les femmes esclaves? Alors, ou bien on va dire qu'ils n'ont pas respecté l'injonction coranique, ça veut dire, dans ce cas-là, que les règles élaborées par les juristes et les théologiens de l'islam sur 14 siècles de l'histoire, eh bien, ne sont pas obligatoires, puisqu'en fait, ce sont des élaborations personnelles, ou bien à contextualiser, donc selon ce que les hommes ont pu produire à l'époque. Ou bien, on va dire qu'ils ont transgressé un ordre coranique, donc une injonction coranique. Et dans ce cas-là, en fait, on va dire que, effectivement, ben, ils ont considéré que le texte coranique devait être cantonné à l'époque de sa révélation, et à partir de là, c'est un texte historique, et eux-mêmes ont réussi à élaborer d'autres normes qui sont différentes du texte coranique. Donc, vous voyez, ils ont pris beaucoup de liberté par rapport au texte coranique lui-même. En tout cas, ils se sont inscrits dans une sorte de différence par rapport à la fondation des normes. Ce ne sont pas les mêmes normes qu'on trouve dans le texte coranique. Enfin, troisième et dernier point, quand on voit le voile dans l'histoire, tel qu'il a été pratiqué dans l'histoire, eh bien, nous allons constater qu'il y a beaucoup de documents iconographiques qui montrent que les femmes n'étaient pas voilées. Là, par exemple, c'est un document du XIIIe siècle. Ça vient de l'Andalousie, à Cordoue. C'est une peinture, une illustration en fait d'un conte et qui remonte à l'époque almohade. Et vous voyez très bien que les femmes ne sont pas voilées. On voit très bien que les cheveux donc sont visibles. Là, c'est une illustration en fait d'un texte de Kalila Edumna, une illustration en miniature du XIVe siècle, dans laquelle aussi on voit que les femmes bien ne cachent pas leur cou ni leurs cheveux, comme le stipulent les islamistes aujourd'hui, parce que ou bien les auteurs qui essaient de définir les normes d'un voile dit islamique. Alors, est-ce que ces femmes n'ont pas été musulmanes, ou n'ont pas été dans une forme d'islamité, ou bien d'expression de leur foi, ou de leur appartenance à l'islam? Donc là, c'est une vraie question. Là, c'est une autre peinture qui vient de l'Iran, donc du XVIIe siècle. Tout cela pour vous dire que, eh bien, nous avons aussi d'autres sources de la normativité qui proviennent de l'histoire, c'est-à-dire comment les sujets eux-mêmes ont pu produire leur manière de penser les normes. Et enfin, vous avez un auteur très intéressant qui est Al-Mawardi, un auteur du XIe siècle qui a écrit un livre qui s'appelle « Les règles de conduite pour l'ici-bas et l'au-delà », dans lequel, en fait, un livre dans lequel il parle du vêtement. Et c'est quelque chose de surprenant parce qu'il n'évoque absolument pas la question du voile. Il y a un chapitre entier qui est consacré aux vêtements. Il parle d'une manière générale des convenances sociales, des normes rationnelles ou bien légales qu'on pourrait trouver effectivement en liaison avec cette question. Mais la fonction du vêtement, c'est trois choses. Protéger le corps, cacher les parties intimes et puis assumer une fonction esthétique, la beauté. En dehors de ces trois finalités, si vous voulez, le vêtement n'a aucun sens. Et, chose intéressante, il précise qu'au sein même de l'islam, il y a une sorte de pluralisme normatif qui fait que un occidental, un maghrébin, un andalou, ne s'habille pas comme l'égyptien, comme le syrien, comme le turc, comme le chinois musulman. Donc, il montre en fait que, même que dans les catégories socio-professionnelles, les juristes avaient un habit particulier, des coiffes particulières, les militaires aussi, les artisans aussi donc avaient une manière particulière de, si vous voulez, de s'habiller. Et donc, on ne peut pas imposer un seul vêtement aux femmes ou bien aux hommes ou non de l'islam. Enfin, et je m'arrête là, j'essaie d'attirer votre attention sur le fait que le champ de la normativité n'est pas uniquement déterminé par le droit ou la théologie. Il y a l'éthique, comme je viens de le mentionner rapidement à partir de l'exemple d'Al-Mawardi. Il y a les sujets eux-mêmes qui produisent ou bien qui coproduisent leurs propres normes sociales. Et il y a enfin le champ du politique. Le politique, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui ces normes ont eu tendance en fait à s'imposer, c'est principalement, à mon avis, parce que les pouvoirs politiques dans le monde musulman actuellement n'assument pas leur rôle d'éducateur du peuple, n'assument pas leur rôle en fait de formation des individus et des groupes. C'est-à-dire qu'on a abandonné la fonction éducative, on l'a abandonnée en fait à des acteurs religieux. Et donc, c'est ce contexte-là qui est corroboré par la faiblesse des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire les disciplines en fait qui forment l'homme. Malheureusement, ces disciplines ont un statut donc, qui est désastreux dans plusieurs pays arabes. Par exemple, la philosophie n'est pas enseignée, plusieurs les sciences sociales, etc. La science politique. Donc ça, si vous voulez, ça a créé un contexte à partir duquel eh bien, le champ de la normativité a pu être confisqué par les religieux. Et là, à mon avis, il y a un véritable nœud théorique pour penser la question de la dégradation, de la réflexion sur les normes. Donc, pour avoir, et pour conclure, en fait, pour avoir une vision, disons, riche et complexe des normes, il ne faut pas les réduire à la religion ni au droit. Il faudrait compléter cette vision par l'éthique, ou la morale si vous voulez, mais je préfère le terme éthique, et par le pouvoir politique. Je termine par l'exemple tunisien. Si, par exemple, la Tunisie a pu faire des avancées aujourd'hui par rapport à plusieurs dossiers juridiques, par rapport à la question des libertés, c'est à mon avis parce qu'en amont, il y a eu plusieurs constructions, plusieurs élaborations depuis le code de la personnalité en 1957. Depuis ces réalisations, eh bien, on récolte aujourd'hui les fruits de ce qui a été fondé il y a plus d'un demi-siècle. Et ça, c'est à mon avis très très important. Pourquoi ? Parce que, eh bien, c'est le pouvoir politique qui est capable de déterminer aussi les normes à suivre dans plusieurs dossiers. Et là, je vous laisse avec cette vidéo qui est très intéressante, qui porte sur Nasser, c'est 2 minutes seulement. Ça a vidéo déjà pris beaucoup de temps. Non, bon, ok, merci beaucoup, Makram.